Effectivement, donc, c'est la troisième et dernière rencontre dans ce cycle Paroles d'auteur. Je rappelle quand même qu'on avait essayé, lorsqu'on a rédigé le projet de résidence, de mettre en avant des écritures moins médiatisées, un peu plus. C'est-à-dire qui sortent un petit peu des sentiers battus par rapport au roman. Donc il y avait Michel Séonnet, certes, qui lui s'inscrivait dans le roman, mais c'était un roman quand même particulier, avec beaucoup d'aller-retour dans le passé et le présent. Ensuite, nous avons reçu Christiane Deschambre, qui était du côté de la poésie, et ça a été vraiment une très belle soirée. Ça. Et puis ce soir, donc, c'est un grand plaisir d'accueillir Joëlle Cuvillier, qui est plutôt, elle, du côté de la nouvelle, même si elle a écrit un roman, peut-être Ouais. plusieurs. Voilà. D'accord. Donc bienvenue, Joëlle, c'est un plaisir de vous recevoir. Je présente très brièvement Joëlle, journaliste, écrivain, grande voyageuse, parle arabe quasiment couramment, et pour gagner sa vie, comme nous autres auteurs, anime des ateliers d'écriture, fait des textes de commande, etc., etc. D'accord? J'en viens tout de suite à ma première question, Joëlle. Vous avez écrit essentiellement donc des nouvelles. On va attendre mon copain Daniel qui vient s'installer. Personne t'a entendu arriver, c'est parfait. Là. Donc nous accueillons Daniel Joëlle Cuvillier, qui est donc essentiellement nouvelliste. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, pourquoi la nouvelle? Pourquoi ce genre de prédilection? Qu'est-ce que vous trouvez à la nouvelle? Qu'est-ce qui vous intéresse dans la nouvelle? Avez-vous beaucoup lu de nouvelles? Comment êtes-vous venu à la nouvelle? Alors, de manière assez lapidaire, c'est un genre que j'aime beaucoup, ça c'est une certitude, hein. Je suis normande, donc je viens du même pays que Maupassant. On était même voisins, puisque je suis originaire de Dieppe et que le château de Miromesnil est à 12 km de la ville de Dieppe, donc je ne sais pas si les ondes littéraires circulent d'un village à l'autre en Seine-Maritime, mais en tout cas, c'était évidemment un auteur qu'on étudiait beaucoup au lycée et que j'adorais. Par la suite, j'en ai découvert beaucoup d'autres, notamment les Américains, hein, comme Raymond Carver, qui est quelqu'un que j'affectionne particulièrement. Quand j'ai commencé à écrire, j'ai tout de suite aimé ce genre qui permet, dans un laps de temps court, de dire beaucoup de choses. J'en ai écrit une, ça a marché, en tout cas ça a fonctionné, j'étais contente du résultat. Quand je dis ça a fonctionné, ça... deux points, ouvrez les guillemets, j'étais contente du résultat. Et donc j'en ai écrit deux, puis trois, puis quatre. Et ensuite je me suis rendu compte aussi que par les temps qui courent, où on est, le temps est saucissonné, le temps est fractionné, parce qu'on vit voilà, des sociétés où il faut courir d'une activité à l'autre, c'est difficile, à moins d'être rentier, de trouver un temps, un vrai temps pour écrire un roman. Alors évidemment, il y a beaucoup... moi c'est une question que je pose toujours à mes confrères. Comment est-ce que tu fais pour écrire un roman? À l'inverse, parce que selon moi, pour écrire un roman, il faut pas perdre de vue les personnages, ni bien sûr l'intrigue, l'action. Et donc il faut être habité par son texte. Mais il faut être habité par son texte H24. Donc quand on a des enfants, un boulot, on doit aller au supermarché, laver le linge, porter la voiture, remplir les feuilles d'impôt. En tout cas, pour moi, c'est compliqué. Donc j'ai pris cette habitude de me lever très tôt, le matin, avant d'entamer ma journée de travailleuse et de mère de famille et tout ça. Et dans ce laps de temps que je me réserve, j'écris. J'écris. Et ce qui est plaisant dans la nouvelle, c'est que très vite, on a un résultat, quoi. Donc voilà, c'est pour ces deux raisons-là que je m'inscris. D'accord, donc Maupassant, c'est pas une blague. Ça a vraiment été Ah oui, Maupassant, c'est le lait un... dans le biberon. Ah oui, Maupassant, Ah ouais. c'était le calva dans le biberon, carrément. J'aurais On met du calva pas dans le osé dire lait, ça. Ouais. il paraît. En tout cas, dans les nouvelles de Maupassant, ça se passe comme ça. Alors, si vous dites que l'écriture de la nouvelle correspond à un certain rythme de vie qui est le rythme d'aujourd'hui, Ouais. est-ce qu'on peut dire la même chose des lecteurs? Des lecteurs de nouvelles, est-ce que ça correspond à cette vie que l'on mène de lire une nouvelle dans le métro avant de se coucher le soir. Alors là, c'est une colle, je ne peux pas répondre. Je peux parler que pour moi, je ne connais pas les lecteurs de nouvelles. D'ailleurs, je pense qu'il n'y en a pas assez, eu égard au peu d'engouement que les maisons d'édition portent aux écrivains qui se spécialisent dans la nouvelle. Il semblerait en France, il semblerait, que ce genre n'en soit, soit un genre décrié, qui n'attire pas de lectorat, et donc on trouve, avec beaucoup de difficultés, des maisons d'édition qui acceptent les écrits. Un écrivain patenté, reconnu, primé, qui se lance dans la nouvelle, va trouver un éditeur, sans problème. Mais si vous commencez par la nouvelle, c'est vraiment un marathon pour trouver une maison d'édition. En quoi ça diffère par rapport aux États-Unis, par exemple ? Alors ça, je ne sais pas. Les anglo-saxons, je pense que la nouvelle, d'ailleurs c'est drôle, puisque the novel en anglais veut dire le roman et non pas du tout la nouvelle, quoi, hein, une espèce de jeu de mots. Je pense que les anglo-saxons sont plus souples d'une manière générale avec les genres littéraires. Le public est plus curieux, peut-être. C'est une vaste question. Et quelles sont vos lectures ? Quelles sont les lectures qui vous nourrissent maintenant dans la nouvelle, aujourd'hui ? Aujourd'hui, oui. Dans la nouvelle ? Alors, moi, je lis beaucoup les auteurs contemporains, très contemporains. D'abord, les auteurs qui sont chez mon éditeur, hein, Rhubarbe, qui s'est spécialisé justement dans les textes atypiques, qui sont les courts textes ou la poésie, parce que malheureusement, la poésie relève aussi d'un genre atypique en France. Hein. Je parle de la nouvelle, mais il y a pire que la nouvelle, il y a la poésie, quoi. Alors que ça devrait être porté au pinacle, ça ne l'est absolument pas. Et donc, dans des revues spécialisées ou à travers des maisons d'édition comme ça, comme Rhubarbe, toute une kyrielle d'auteurs qui sont spécialisés là-dedans. Mais je ne pourrais pas citer une maison d'édition. Il y a eu Anne Gavalda qui a fait un tabac. Alors elle était l'exception qui confirmait la règle, parce qu'elle a envoyé ce premier recueil, c'était le dilettante, hein, je crois, et... le miracle s'est produit, elle a été publiée et plébiscitée par le public, puisqu'elle en a fait un best-seller, et par la suite, elle s'est inscrite dans la littérature contemporaine comme un grand auteur. Mais à ma connaissance, c'est la seule. Hein. En tout cas, dans les 20 dernières années, j'en connais pas d'autres. Quoi. Voilà. D'accord. Et d'ailleurs, son roman, je t'ai tant aimé quelque part, quelque chose comme ça. Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. En tout cas, cette nouvelle en particulier était très bonne. Était très... De l'herbe aussi. Hein ? Oui, de l'herbe, bon, bien sûr. Enfin, on a tous ces auteurs. Alors, justement, c'était un peu ma question. Est-ce que des gens comme de l'herbe font de la nouvelle ? Est-ce qu'on peut considérer ça comme des nouvelles, ces petits textes qui ne répondent pas au genre canonique de la nouvelle ? Il n'y a pas de chute, il n'y a pas véritablement de points forts, c'est très court. Des éclats de récit, moi, j'appellerais ça. Ou des petites proses. Des éclats de récit, c'est pas tout à fait la nouvelle au sens dans la construction comme on l'entend, avec une chute histoire et courte, ouais. Des histoires extrêmement courtes. Ouais. Bon, avant d'aller plus loin puis de vous questionner donc plus un peu en détail par rapport au livre, peut-être qu'on pourra entendre un extrait ou une nouvelle entière. Alors. Je commence par quelque chose. Je vais vous lire. Je vais vous lire. Si je le trouve. Voilà. Donc, je vais vous lire un extrait des Vapeurs d'Antoinette Deralette, qui est donc un petit recueil de nouvelles. Je fais juste une petite parenthèse. Ce récit, au départ, devait s'appeler Sexus Politicon, parce que c'est une rafale de textes qui mettent en relief le rapport qui existe entre la politique et le sexe, qui sont pour moi les deux sphères, enfin c'est la sphère de l'intime absolu et du champ public au sens le plus large, et comment ces deux sphères parfois se rencontrent et souvent se heurtent. Donc un jour j'ai eu cette idée, j'ai pensé à quelque chose, j'ai écrit un texte, puis après j'ai eu une deuxième, une troisième, puis je me suis dit finalement ce rapport entre sexe et politique, on peut le décliner infiniment. Et donc je trouve que Sexus

grinçant sur les rails. Le train s'arrêtait. Le temps d'un souffle, les hommes parqués, prostrés depuis si longtemps, communièrent dans un silence total. Puis la lourde porte s'ouvrit et en même temps que l'air réanimant les consciences, les coups et les cris envahirent l'habitacle. Les trois hommes se redressèrent et sortirent en titubant du wagon. On les rassembla dans une cour sinistre, puis on leur cria en allemand qu'ils ne méritaient pas de vivre comme des hommes libres. Alors on les rasa et on leur donna un pantalon et une vareuse de toile rêche sur laquelle était cousu un triangle de tissu rose. Merci, Joël. Merci. Voilà, donc c'est une des nouvelles de ce recueil, une nouvelle assez grave, comme vous l'avez entendu. La particularité de ce recueil est justement d'alterner les textes graves avec des textes beaucoup plus légers, voire franchement drôles. Alors, on a parlé tout à l'heure de thématiques. Il n'y a pas véritablement de thématiques qui ressortent de ce recueil de nouvelles, mais il y a des sujets récurrents. Alors, vous me dites, si je me trompe, les rapports hommes-femmes que l'on trouve dans pratiquement toutes vos nouvelles. D'accord ? La condition de la femme, plus précisément dans certains pays. On le voit notamment à Cuba. Il y a deux nouvelles qui sont assez fortes là-dessus. Et l'interaction, effectivement, entre la part du public et la part privée. Il y a également, et là, Kamel le confirmera, puisque c'est Kamel qui a soulevé la question pendant le comité de lecture, pas mal d'érotisme dans ces nouvelles. D'accord ? Donc on va y revenir. Et puis, je t'avais dit que je te le dis, je ne vais pas prendre ça sous ma responsabilité. Quand même, hein. Moi, je n'ai même pas remarqué qu'il y avait de l'érotisme. Presque pas. Et voilà. Alors, première de ces questions, comment naît une nouvelle ? Quelle est la genèse d'une nouvelle ? Là, on vient d'entendre quelque chose qui se situe dans les années 40. Il y en a d'autres qui sont très contemporaines, qui se passent à Cuba, d'autres beaucoup plus récentes. Comment naît une nouvelle ? Qu'est-ce qui déclenche la nouvelle ? Qu'est-ce qui fait naître la nouvelle ? Ça, c'est une bonne question, c'est une vaste question. La plupart du temps, bon, pour ce texte-là, si on se réfère à celui-là, j'étais allée chez Michou, à Montmartre. Ma tante était venue, elle ne s'appelle pas du tout Jacques, puisque c'est ma tante, elle s'appelle Annick, et elle était venue à Paris et elle rêvait d'aller chez Michou. Bon, moi j'habitais le 18e, donc j'étais jamais allée chez Michou, et me voilà chez Michou, où j'assiste à ce spectacle incroyable de ces transformistes qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à des femmes, avec un public masculin, féminin, mais des hommes à l'évidence troublés dans le public, enfin cette ambiguïté. Donc, en même temps que j'assistais au spectacle, j'étais sûre qu'un jour je reprendrais ce contexte-là pour le glisser dans mon texte, dans un texte. Évidemment, bon, le thème de l'homosexualité qui est traité dans la nouvelle, c'était le moment ou jamais, quoi. Donc j'ai replacé cette petite scénette. Et en général, je m'appuie toujours sur la réalité des faits. Toujours. C'est-à-dire, je vis quelque chose, une situation, et tout d'un coup, là, je me dis, à ce moment précis, ici et maintenant, je suis en train de vivre quelque chose qui est le début ou le milieu ou la fin d'un texte. Je le sais, je le sens. Alors après, je change les personnages, je change le lieu géographique, je m'amuse. Mais ça part toujours d'un vécu. Oui, la plupart du temps, ça part d'un vécu. Et souvent, c'est ma manière à moi de me réparer, c'est-à-dire, bon, enfin, on ne va pas gloser sur la thérapie, culture, exercice thérapeutique, etc. C'est pas du tout de ça dont je veux parler. Mais en revanche, quand j'ai vécu des situations d'injustice terribles, et que c'est pas toujours facile d'appeler un copain pour le lui dire, ou une copine, ou en parler, écrire, dire les choses, les poser, et condamner les coupables, bien entendu. Alors ça, c'est quelque chose de merveilleux. Ça, c'est réjouissant, quoi. Ça, c'est, voilà. Moi, ça me fait plaisir. Et puis après, quand les gens lisent le texte en disant « Ouais, super, oh, dis donc, mais c'est bien fait hein. », moi, je dis « Ouais, c'est bien fait, c'est formidable. » Mais alors, comment quand même faire se croiser cette réalité de Michou qui est arrivée il y a quelques années avec une autre réalité qui se situe dans les années 40? Ouais. Comment ça intervient, ça, c'est la seule nouvelle qui parle de la guerre et du passé. Oui, oui. Donc, enfin, c'est dans ces recueils, d'où il vient ce personnage? S'il y a une autre histoire derrière. J'avais besoin à ce moment précis de parler de l'homosexualité pour des raisons personnelles. L'homosexualité masculine, je précise, hein, pour des raisons tout à fait personnelles. J'avais besoin de comprendre en écrivant ce que pouvait être la situation d'un homme qui vit la violence extrême dans le regard des autres ou dans le comportement des autres. Évidemment, les nazis étaient les mieux à même d'incarner cette violence-là. Et donc, j'ai imaginé ces trois hommes, dont deux sont homosexuels et l'un est là par hasard, et j'ai voulu les peindre dans leur immense humanité. Donc l'un est poète, l'autre bon, est en souffrance physique puisqu'il a perdu cet aérosol, et le premier est orphelin, il a perdu sa mère très jeune. Et on découvre petit à petit qu'ils sont homosexuels, mais au fond, ce que je voulais démontrer en écrivant, c'est qu'on s'en fiche complètement de leur choix sexuel, ça les regarde. Ce qui est intéressant, c'est que ces trois hommes sont merveilleux, ce sont trois représentants de l'humanité. Et voilà, c'est-à-dire à ce moment précis où j'avais envie de me mettre à la place de parce que, bon, enfin voilà, c'était important, j'ai trouvé ce prétexte, entre guillemets, de la barbarie nazie pour l'exprimer. Et avec cette réminiscence de Michou qui m'a donné un contexte. Qui venait donner le contexte. Oui. Alors, est-ce que la plupart des autres nouvelles se fondent également sur un réel ? Toutes, sans exception. D'accord. Faites attention à ce que vous allez me dire à la fin. D'accord. Je rigole. On est prévenus. Hein. Vous avez vu sur quel ton elle l'a dit Non, c'est toutes, absolument toutes. Alors, est-ce que le voyage nourrit la nouvelle ? Est-ce que les deux nouvelles sur Cuba ont été écrites ou du moins inspirées à Cuba ? Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Je suis allée à Cuba et il y a cette nouvelle. C'est-à-dire. J'étais frappée là-bas par la sensualité, justement, l'érotisme de ce peuple culturel. Alors c'est vraiment, j'ai ressenti ça, peut-être je dis des bêtises, hein, ne prenez pas pour argent comptant tout ce que je dis, mais j'ai senti un peuple incroyablement plein de vitalité, et de sensualité. Et de gens qui aimaient la vie et qui la croquaient avec, bien sûr, ce que le régime les autorisait à prendre. Parce que, bon, on peut gloser sur Cuba, là, encore que j'adore la politique, donc, bien sûr, ça m'intéressait beaucoup d'essayer de comprendre comment une entité qui est un peuple et qu'on devrait voir accablé, courbant les chines, etc., pas du tout, font l'amour, ça a l'air d'être d'ailleurs une espèce de sport national, tout le monde, les gens qui ont 70 ans, 75 ans, ils le revendiquent, ils en parlent tout le temps, enfin, c'est un truc incroyable hein, quand même, quand on arrive. Et alors après, il y a ce que nous, les Occidentaux, on appelle la prostitution, c'est-à-dire les gens, les jeunes filles, bon, dès qu'elles voient arriver des touristes, couche avec les touristes contre un repas au restaurant, un colis fiché, un tube de rouge à lèvres, etc. Et j'étais embarrassée parce que je voyais bien qu'on n'était pas dans quelque chose de glauquissime, on n'était pas des filles qui arpentent le trottoir avec des proxénètes, c'était une espèce de... Voilà, bon, j'ai un corps... Et puis en même temps, ça me gênait cette idée de dire que... Au fond, c'était pas très grave pour les cubaines, puisqu'elles aimaient faire l'amour. C'était dérangeant pour moi, cette idée-là, intellectuellement. Je suis une femme et je suis féministe. Donc, ça a heurté mes convictions profondes. Et en même temps, telle était la réalité. En même temps, la bonne nouvelle, c'est que les garçons font la même chose avec les femmes. Hein. C'est-à-dire, c'est pas seulement les jeunes filles qui font ça avec les vieux monsieur, c'est aussi les jeunes hommes qui font ça avec les vieilles dames, et pas que les vieilles dames d'ailleurs, avec un peu toutes les dames qui sont consentantes. Et du coup, je me suis dit... Ça y est, je tiens mon idée. En fait, le sexe à Cuba est un passeport. C'est un passeport. tu pénètres et je sors. Parce que si je te plais, tu vas me faire une carte d'invitation et je vais aller dans ton pays. Donc, je me suis dit, j'ai mon rapport entre sexe et politique. Il est là, il est dans. Je suis sûre que c'est ça. Je suis certaine qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui va au-delà de l'aspect sociologique. C'était plus cet aspect politique qui m'intéressait, et corporel, charnel, quoi. Donc j'ai écrit cette nouvelle de cette... Bon, voilà, que vous pouvez découvrir en lisant le livre. D'accord. Alors il y a quand même une scène dans une des nouvelles, hein, Fidèle. Oui. Qui nous remet à notre place, nous autres Européens, c'est-à-dire le personnage, hein, qui s'appelle Jean G, hein, je crois. Oui, Jean G, donc, assiste à tout un tas de choses à Cuba et assiste notamment à tous ces jeunes qui dansent et qui font la vie. Et à un moment, avec une femme, il lui dit à cette femme, c'est merveilleux. D'accord, c'est merveilleux, toute cette jeunesse qui danse et tout. Et la femme le remet en place. Le regard qu'il reçut en retour se situait à mi-chemin entre ébahissement et fureur. Merveilleux, tu trouves cela merveilleux. Et ta tête, Français, elle te sert à quoi, ta tête? Juste à regarder, à consommer? Il paraît qu'on consomme beaucoup chez toi. Tu as de la chance, ce n'est pas le cas ici. Allez, on rit comme des imbéciles heureux pour faire croire que, par définition, par rébellion, parce que ça ne coûte rien, on rit pour tromper l'adversaire, pour faire plaisir à Fidèle, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Tu comprends ça, hombre? Donc là, ça nous revient sur la gueule quand même. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça, je me reconnais complètement là-dedans. Parce que bon, là tu avais... Je fais pas de cadeaux en général, non, hein, c'est c'était vrai, très c'est enthousiaste. Vrai. Là, ils font la fête, ils font l'amour, ils sont. Oui. Ça nous retombe dessus. Absolument. C'est une apparence pour faire semblant, pour faire plaisir à Fidèle. Absolument. Parce que je pense qu'il y a cette dimension-là aussi, c'est-à-dire que le rire, donc un de mes sujets de prédilection. Là, je vous ai lu un texte qui était vraiment pas drôle. On va y revenir au rire. Mais c'est vrai quand même que en tout cas en l'occurrence le rire à Cuba. À cette vertu salvatrice, pour le coup. C'est-à-dire... Mais ce n'est pas le rire des imbéciles heureux, pas du tout. C'est aussi le rire désespéré des gens qui... Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent d'autre? Ils n'ont rien. Alors, ils rient. C'est une façon aussi de sortir de cet état de... D'accord. La deuxième nouvelle sur Cuba est beaucoup plus sombre. J'ai trouvé la femme plus exploitée. Alors on va en parler du rire un peu. J'aimerais parler aussi quand même, avant de venir sur le rire, parce que le rire est quelque chose d'important, au moins aussi important, le camel, que l'érotisme dans les nouvelles. Hein. Sur la construction de certaines nouvelles, il y en a certaines qui sont quand même assez savantes. Je pense à celle qui donne son titre à ce recueil, Les vapeurs d'Antoinette. Là, on se retrouve avec trois femmes, donc une qui a une position sociale assez élevée, je crois qu'elle est maire de sa commune. Exact. C'est pas ça? Oui. La seconde, c'est sa domestique qui fait le ménage à la maison. Et la troisième, donc la domestique, c'est déjà quand même une situation, une domestique tunisienne, je pense. Et la troisième, non, nigériane, c'est ça, oui, pardon, nigériane, oui, effectivement. Et troisième, une petite Rome, donc elle, rien du tout. Et le destin de ces trois femmes se retrouve enlacé de manière assez étonnante. Alors, on fait comment pour construire une nouvelle comme ça? Comment on fait pour tresser les fils de trois histoires? Et finalement, de nous montrer que ce sont des histoires de femmes et que toutes les trois ont des rapports avec les hommes assez difficiles. Ouais. Toutes les trois sont trompées d'une certaine manière, exploitées d'une autre manière. Alors, d'où ça vient ces trois histoires et comment on fait pour tresser ça? Alors, comment on fait ça? Je ne sais pas, parce que je commence et tout d'un coup, ça s'impose. Les trois ensemble? Les trois fils narratifs ensemble? C'est-à-dire, mon personnage central était Antoinette Desralettes. Je voulais dénoncer son odiosité, son côté extrêmement désagréable, tout personnage extrêmement important qu'elle était. Enfin, elle a une place sociale importante, mais c'est un personnage absolument odieux. Et comment faire Bon, c'était pas très difficile en réalité, puisque elle est dans... C'est un personnage qui s'inscrit, c'est une bobotte, hein, comme on pourrait dire, quoi. Elle a une grande maison en région parisienne, elle a des idées comme ça, très, très, très, très modernes. Évidemment, elle est allée à l'école, elle a pas mal d'argent et elle est très donneuse de leçons. Elle sait tout sur tout, tout le temps. D'ailleurs, elle est mère, donc comme ça, il n'y a pas de... Et évidemment, c'est dans les rapports ancillaires que je pouvais la coincer, en lui collant une bonne et en voyant comment elle se comporte avec cette petite bonne. Est-ce qu'elle est humaine? Est-ce qu'elle est... Bon, déjà, le fait d'avoir une bonne, pour moi, c'est un problème. Donc, évidemment, je peux vous dire, je ne l'ai pas raté. Parce que... Alors, je ne voulais pas non plus... lui tanner le cuir, quand même. Hein. Je voulais rester assez subtile. Et donc, comme elle était... Cette femme est politique, j'ai pris cette petite Nigériane sans papier. Donc, c'est une femme de gauche. Donc, évidemment, elle prend une petite jeune fille sans papier chez elle. Et donc, elle enfreint la loi, mais elle le fait parce qu'elle a des convictions, des engagements, etc. Néanmoins, je ne vous révèle pas non plus l'histoire, mais là, c'était assez facile de trouver le contre-pied de cette femme, de cette mère, qui, somme toute, n'est pas nuancée du tout. Quoi. Ce personnage n'était pas nuancé. Donc, trouver son contre-pied n'était... La difficulté, c'était la petite Rome. Alors, celle que je connais très bien, c'est la mère, bien sûr, qui est un vrai personnage, qui se reconnaîtra d'ailleurs, qui s'est reconnue, j'espère. Et qui doit encore me maudire. J'assume complètement ce que j'ai écrit, c'est de la fiction. Et cette petite Rome, j'habite Montreuil, et cette petite Rome, elle est là à l'entrée du centre commercial quand on va prendre le métro, tous les jours. Elle est là tous les jours. Elle est jolie comme un cœur, et elle tend la main, et elle demande des sous, et elle emmerde tout le monde, évidemment, personne n'aime être, surtout 3-4 fois par jour, hein. Si vous passez 4 fois au même endroit pour prendre le pain, elle est là, et elle vous réclame des sous. Et puis j'avais repéré que ce qui lui servait lieu de mari, ou de je sais pas quoi, était vautré sur un banc 10 mètres plus loin, et relevait les compteurs, le soir. Hop, il venait chercher les sous, et lui passait toute la journée, comme ça, répandu sur son banc, déjà... Je m'étais dit, toi, mon gaillard, tu vas te retrouver dans un de mes textes, je le sens. Et donc, évidemment, en écrivant sur Antoinette Deralette, tout d'un coup, je me suis dit, mais bien sûr, c'est-à-dire, elle a le pouvoir, en tant que maire, de prendre un arrêté municipal par rapport à la communauté rome sur son territoire. Et c'était d'actualité à l'époque, et il y avait beaucoup de roms sur le territoire de la ville, avec, vous imaginez, toutes les incidences que ça pouvait avoir avec... avec les associations et les habitants, qui n'étaient pas tous d'accord hein, avec la présence des Roms. Et donc elle était là, elle avait des belles idées, des bonnes idées, très donneuse de leçons, donc elle expliquait comment... bien pensante. Voilà. Bien pensante. Et pendant ce temps, moi, je m'amuse à montrer quelle est la réalité délicieuse de cet enfant dont... Elle dit, voilà, elle se penche sur l'histoire des Roms, la culture des Roms, grand peuple, etc. Et je la prends, disons, en flagrant délit de ridicule, cette femme savante qu'est Madame Antoinette Deralette, hein, à nous faire des leçons sur la beauté de la culture rome et je ne sais quoi, je ne sais quoi. Quand cette gamine mendie toute la journée en plein vent, et qu'à l'évidence, elle est exploitée. Et j'imagine quelle est sa vie dans le camp. Et c'est une vie affreuse, c'est une vie effroyable. Et donc il y a cette contradiction entre le discours bien pensant de cette dame blanche qui, voilà, c'est tout sur les Roms, n'est pas très gentille avec cette domestique qui dépend terriblement, évidemment, de l'attitude de celle qui l'emploie, et cette petite jeune fille qui est là, qui ne saura jamais rien de tout ça, mais qui néanmoins est dans la vie des deux. Et plus que dans la vie des deux, c'est elle qui clôture la nouvelle en s'en mettant plein les poches. D'accord ? Et c'est là la magie de cette nouvelle, c'est la chute qui est assez étonnante, c'est-à-dire on voit bien les rapports entre les différentes personnes, on se dit mais comment la petite Rome peut intervenir autrement que comme victime ? Eh bien si, tout à la fin de la nouvelle, c'est elle qui a le gros lot. Qui a le dernier mot en tout cas. Qui a le dernier mot et qui s'en met plein les poches. Absolument. Et voilà, les destins de ces trois personnages se tressent comme ça et c'est assez étonnant. Voilà, c'est une nouvelle très très bien construite. Alors, on va continuer dans la politique, mais on va quand même parler du rire. Parce que le rire chez Joël Cuvillier, on le retrouve dans différents registres. Alors, il y a le registre ironique. Par exemple, la nouvelle qui s'appelle Bel Air Land, Hein, voilà, donc un territoire du 93 qu'on va utiliser comme centre d'attraction, parc d'attraction, où les jeunes bourgeois du 16e vont venir s'encanailler. Donc, on va dans ce parc et puis on achète des tickets pour avoir le droit de faire un racket, casser un bus, piller une vieille dame, etc. Voilà, le truc. Alors, là, on est dans l'ironie. Ce texte-là, il est né comment ? Au bistrot. Oui. Voilà une réponse franche, avant d'avoir bu ou après. Non, j'étais avec des copains et il y avait tous ces faits divers, les voitures brûlées, tous les trucs qui vont pas, le Parisien qui nous raconte ça tous les jours à la une du journal. Et puis il y a ce copain qui dit on n'a qu'à tous les mettre dans un zoo, quoi, ça ira plus vite. Et là, je me dis, dans un zoo, mais pas dans un zoo, dans un parc d'attractions. Disneyland, bien sûr, le nouveau Disneyland, c'est ce quartier populaire de Montreuil. On va juste mettre un grillage tout autour. Et puis, ce qui s'y passe à l'intérieur, on va faire payer les gens pour le vivre. Ah, tu vas avoir peur. Attends, on ne va pas te mettre des montagnes russes. Tu vas rentrer dans le quartier et tu vas vivre tout, le racket, les tournantes, tout ce que vous pouvez imaginer de cette délinquance dont on nous rabat les oreilles. Et bien sûr, les jeunes qui font ça sont rémunérés. C'est-à-dire que voilà, c'est un humour un peu grinçant, mais voilà, c'était comme ça, cette histoire-là. D'accord. Il y a quand même un passage. Les deux jeunes garçons donc, viennent du 16e. Hein, c'est le chauffeur Manuel qui les emmène avec sa belle Mercedes noire, qui les emmène, qui les dépose à l'entrée, puis qui ne reste pas parce qu'il va se faire casser sa voiture. Donc il dépose les jeunes garçons. Et les jeunes garçons prennent des billets à l'entrée, payent leur entrée, prennent des billets. Alors, on se fait quoi ? On va se faire un bus pour commencer. Alors, ils achètent des briques et puis ils rentrent dans le bus, ils cassent le truc. Et puis, à un moment, ils arrivent devant un autre stand. Pierre-Henri et Nicolas. Hein. Pierre-Henri désignait du doigt l'entrée d'une cave devant laquelle attendait une file d'attente impressionnante, exclusivement composée d'hommes de tous âges. Nicolas s'approcha, lut le panneau et revint vers son cousin, le regard sévère. La tournante est interdite au moins de 16 ans. Viens, on va plutôt aller faire l'incendie de la voiture. Oui, j'exagère des fois, je sais. On est un peu du côté de la caricature quand même là. Oui, absolument. Mais c'était mon propos, c'est-à-dire c'est tellement caricatural de lire Le Parisien tous les jours aussi. Et c'est beaucoup moins drôle. Je me suis dit, je vais reprendre, c'est-à-dire... Et j'appuie sur le trait, voilà, c'est tout. Donc, bien sûr, c'est bien appuyé. La dernière scène est assez croquignole aussi, puisque là, les deux jeunes garçons se font agresser par une bande qui commence par leur dire qu'ils ne sont pas, eux, du personnel du parc d'attractions, qui sont glissés par le grillage, que ce sont des vrais truands. Donc, ils commencent, donne-nous des sous, on n'a pas de sous, etc. File-nous ton slip, ton blouson, ton jean, etc. Ils prennent tout, et les autres, ils donnent. Et puis... Au moment où il s'enfuit, donc effrayé, totalement tétanisé par la peur, il y a les jeunes qui leur courent après. Ils disent non, on n'a pas le droit de garder les affaires, je suis obligé de vous les rendre, c'est dans le règlement. On est quand même du côté de la caricature, là, Madame Joël. Oui, mais je vois que ça fait rire. C'est l'effet escompté. Alors justement, puisqu'on parle de rire, il faut dire que Joël a écrit un autre livre qui s'appelle « Le rire pour les nuls ». Hein ? Alors, Joël est décrite comme animatrice d'un club de rire à Vincennes. C'est exact. Je co-anime un club de rire tous les mardis soirs à Vincennes, de 7h à 8h. Et avec ma coplume Martine Metschberg, qui est psychothérapeute, on s'est dit, tiens, si on proposait aux éditions First le rire pour les nuls, c'était vraiment une blague. Et puis on a envoyé le projet et ils nous ont dit, quelle bonne idée. Alors on a écrit 300 pages. 300 pages sur comment rire. Hein, oui, sur comment rire. Voilà. Alors je reviens quand même aux nouvelles, puisque c'est quand même le thème de ce soir. Donc il y a l'ironie. Il y a l'ironie, on l'a vu dans certains textes. Il y a la caricature du côté de Bellerland. Et puis il y a la franche rigolade. C'est-à-dire une nouvelle qui n'a d'autre but que de faire rire. Et là, je pense à un conte de Noël. Oui. Pourquoi cette mine ? Oui, effectivement. Bon, alors là, qui est, Kamel en témoignera, fort érotique. Mais sans autre prétention que de faire rire. Alors, On l'a dit, la part de l'érotisme est assez forte. Elle intervient pratiquement dans toutes les nouvelles. Nous autres lecteurs devons en déduire quoi par rapport à l'auteur? Je trouve que, c'est-à-dire le rire, l'érotisme, la nourriture font partie de la constitution, fait partie de nos constitutions, c'est-à-dire on ne va pas se voiler la face, quoi. C'est très important. C'est ce qui fait de nous des êtres joyeux, légers, qui transcendons toutes les difficultés de l'existence. Donc c'est très. Et s'il y a un endroit où on peut en parler avec impudeur, en tout cas, on peut se dénuder, on peut se mettre à nu, c'est le cas de le dire, c'est dans les nouvelles, dans les textes. Hein. Dans la vraie vie, je parle jamais d'érotisme, évidemment. Mais, ou rarement. Ou rarement. Mais dans les textes, oui, bien sûr. Et le but, je ne sais pas si j'y parviens, je ne veux pas choquer, mon propos n'est pas du tout de choquer, mais au contraire, d'emmener le lecteur dans cette dimension du plaisir qui est fondamental, selon moi. Donc on peut écrire un texte très triste, très dur, très politique, très âpre, et si vous y apportez la dimension érotique, vous ramenez de l'humanité dans le texte, c'est obligatoire. Donc c'est ça, c'est un jeu sur les genres, quand on les entremêle, on fait vibrer plusieurs sensibilité, cordes sensibles à l'intérieur du lecteur, c'est le but du jeu. Voilà. Donc dans ce recueil, c'est très très présent, hein. Le rire, l'érotisme, avec parfois du grave qui vient. Je pense notamment à la nouvelle Selma et Dalila. Ouais. Ce sont des choses graves, mais en même temps, voilà, c'est bien dit, ça passe. Dans le deuxième recueil, donc la Saint-Valentin, beaucoup plus construit autour d'une thématique. Ouais. Là, ce qui est assez étonnant, ce sont les chutes. Dans les deux cas. Alors, des nouvelles qui se passent dans différents endroits. Là, encore une fois, est-ce que c'est inspiré de voyages? Oui. Est-ce que oui. Tiré de faits divers, le premier notamment Pas de faits divers, toujours la réalité. Toujours la réalité. La première nouvelle donc, se passe en Égypte, la seconde en Afrique du Sud, ouais. Et la troisième en Creuse. Donc, c'est moins exotique, enfin, ça dépend du point de vue où on se place, hein. C'est toujours le champ des relativités. Mais à chaque fois, évidemment, c'est des rencontres qui ont nourri mon imaginaire, quoi. Après, je me suis dit, je vais organiser le texte autour d'une journée. Hein. C'est la dimension temporelle qui organise le texte. Donc, évidemment, c'est le 14 février. Et c'est tout. Ça en fait juste. Donc, du coup, ça me permettait de titrer la Saint-Valentin, puisque ces trois nouvelles se passent le 14 février. Mais en dehors de ça, les trois n'ont aucun rapport les unes avec les autres. Les deux premières ont un rapport. Les deux premières, c'est véritablement un piège qui se retourne contre celui qui l'a posé. Oui, la troisième est un peu en décalage par c'est rapport. Vrai. Donc, sur quoi là vous avez joué pour arriver à cette chute? Qu'est-ce qui a été le moteur de la nouvelle? Je pense, sans dévoiler quelles sont les fins de ces deux nouvelles. Qu'est-ce qu'on voulait montrer? Que les victimes deviennent finalement... Je voulais montrer, pour les deux... J'aime bien jouer sur les nuances. J'aime bien manipuler un peu mon lecteur. Voilà, c'est le mot que j'attendais. C'est ça. Il y a de la manipulation. Oui. On est manipulé. Voilà. C'est-à-dire, bon, c'est le principe du polar, hein, c'est le principe du roman policier. En l'occurrence, c'est pas des nouvelles policières, mais c'est la même chose. C'est-à-dire, on emmène le lecteur dans une direction, on fait croire que le coupable est là, et puis en vérité, il n'est pas là où on l'attendait. Et donc, moi, je m'amuse à faire ça plus avec la psychologie des personnages. C'est-à-dire, je vous présente quelqu'un qui a l'air très sympa, très malheureux, très fragile, très vulnérable, et au bout de l'histoire, on s'aperçoit que le cruel n'est pas forcément celui qu'on croit, le gentil non plus. C'est comme dans la vraie vie. Hein. Je ne sais pas si vous travaillez, vous avez des collègues, des chefs. Mais alors ça nourrit l'imaginaire de manière extraordinaire. Et voilà, et j'aime bien jouer sur les nuances, parce que on est tous, entre notre part d'ombre et notre part de lumière, on a un prisme d'arc-en-ciel énorme, qui va du noir foncé au très blanc, en passant par toutes les couleurs, justement, de l'arc-en-ciel, et j'aime bien jouer sur ce nuancier-là. Et c'est la féministe qui fait donc que les deux personnages féminins apparemment vulnérables et apparemment victimes se retrouve au final vainqueur. Elle se retrouve en position de force, oui. Mais la première nouvelle, c'était un peu particulier parce que je l'ai écrite, je suis allée au Caire, enfin, j'ai remonté le Nil avec ma fille sur un bateau. Et quand on est revenu au Caire, et là, il y a eu un attentat à Khan Khalili, qu'on devait visiter le lendemain d'ailleurs. Donc, hormis la proximité des moments qui est toujours très troublante, parce qu'évidemment, on se dit, j'y étais pas au mauvais moment, c'est une chance, mais c'est pas du tout une chance pour les enfants qui étaient là, hein, c'était des enfants français en l'occurrence, en colonie de vacances, et pour les familles ça devait être monstrueux évidemment. J'étais absolument bouleversée et extrêmement en colère contre les auteurs de l'attentat, mais vraiment en colère. Alors c'est ça, quand c'est comme ça, je n'ai pas d'autre arme que ma plume. Donc je rentre et je réfléchis à une construction où celui qui doit payer, paye. D'accord. Et voilà. Et c'est remarquablement construit, puisque jusqu'à la toute dernière ligne, effectivement, on redoute le pire pour celle qui a été désignée. Voilà. Qui, elle aussi, est un peu érotomane sur les bords. Hein. Ça, sans vouloir dévoiler. Je ne permettrai pas des jugements de ce type. Alors, on va peut-être terminer par une lecture. Ça, c'est le seul roman, je crois, que vous avez publié. Enfin, j'ai écrit un autre texte que je n'ai pas rapporté, qui s'appelle Pourrir, justement. Et là, je crois que vous m'aviez dit avoir le désir d'en lire un petit bout. Oui, un petit plutôt, extrait. Plutôt qu'une nouvelle, pour montrer une autre plume, on va dire. Voilà. Alors, attendez-vous. Alors, un roman qui est assez prémonitoire de ce qui s'est passé en Tunisie, mais ça, absolument. Ça vous en parlez. Ce livre se déroule en Tunisie, où j'ai vécu pendant 6 ans. Et quand je suis revenue de Tunisie, j'avais évidemment envie d'écrire sur ce que j'avais vu, entendu, et qui n'avait évidemment rien à voir avec les hôtels touristiques qu'on peut découvrir, évidemment, quand on va dans un pays comme la Tunisie. Pourquoi je vous dis ça? Je précise voilà. Que Joël n'était pas un touriste là-bas, mais comme professeur d'arabe. Voilà, j'étais prof d'arabe au lycée français à Tunis. Et quand le livre est sorti, et le mois d'après, c'est la révolution du jasmin. Et l'histoire est l'histoire d'un jeune homme qui veut à tout prix partir dans cet Eldorado qu'est la France, et il explique les raisons de sa colère. Cette énorme colère qu'il a, parce que ça ne va pas du tout dans son pays, sur tous les plans économiques, politiques, et il est une victime, bien sûr, d'un système qui broie les individus quand ils n'ont pas la chance, évidemment, d'être du bon côté de la barrière. Et donc, il s'appelle Fatri, et ça commence comme ça. Je vais vous dire quelques pages. Au tout début, l'idée de partir n'avait fait que m'effleurer l'esprit. Yamimti, Meljmel, Landin, Mamamia, tu parles d'une montagne maudite. Je m'étais gratté la tête et j'avais craché par terre, enthousiaste. L'été, on installe des coussins derrière la maison, là où il fait le plus frais, ou plus exactement, le moins chaud. On tire une rallonge et on regarde la télé tous ensemble. Sur l'écran défilaient les images et les commentaires d'un documentaire sur les Alpes. Mes frères râlaient, ils auraient voulu un film d'action. Moi, je regardais la montagne s'embraser de rage. Elle grelottait de froid malgré sa camisa, sa chemise de résine vert. En moins d'une seconde, au Qasem Billah, je prends Dieu à témoin, elle est devenue rose pâle, puis framboise, puis cramoisie. Il n'y a que Safia, la fille de Silotfi et d'Amir, mes voisins, qui soit capable du même exploit. Safia a 2 mois et une sténose du pylore. Comme elle a mal dans le haut de son petit estomac, elle pleure tout le temps. Les sapins avaient beau tendre leurs vertes ramures pour l'implorer, rien n'y avait fait. La montagne avait explosé de couleurs et de lumière, furieuse de devoir renoncer à la paix de la nuit. Et moi, j'avais craché par terre. Un jour, bientôt, demain, j'irai là-bas. Je gravirai les flancs de cette montagne pour me mettre à l'unisson de sa rage. Je la connais bien, la colère de la montagne au petit matin. Elle me prend tous les jours, à 5 heures. L'hiver surtout. Quand je dois sortir de sous la couverture usée que Sir Ali ne replacera pas de sitôt. Sir Ali, c'est mon père. Je devrais l'appeler Baba, mais je garde ça pour une occasion vraiment exceptionnelle. Une occasion aussi exceptionnelle que la possibilité de me glisser sous une couette en duvet d'oie dans mon lit l'hiver, ou que le jour où il va mourir, istaghfar al-azim, qu'il recommande son âme à Dieu. 5 heures, déjà debout, déjà en colère. Je retire la couverture, je me précipite sur le tas d'habits jetés par terre. Un, par fainéantise. Deux, parce qu'il n'y a pas de patère pour les accrocher dans la pièce que je partage avec mes frères. Puis, je bats, comme chaque matin, le record de vitesse d'habillage de Tunisie, sous peine d'être transi. Et enfin, je sors dans le noir et le froid sans café, les femmes dorment encore, sans douche, nous n'avons pas d'eau chaude, et je cours pour essayer d'attraper le bus de 5h25. Sinon, il faut compter une demi-heure d'attente en plein courant d'air. Il andine les courants d'air, maudit soit la religion des courants d'air. Sur le petit écran, la montagne s'était couverte d'or. Sa colère était passée. Elle respirait tranquillement, en soufflant de fins nuages gris et blancs, inspirant le vol de rapaces, des buses et des aigles royaux. J'avais eu envie de rire, mais je m'étais ravisée. Déjà, j'avais craché par terre. Si un jour je voulais vraiment aller en France, il fallait que je change mes habitudes. La France, c'est pas le bled. C'est un pays civilisé où les gens ne crachent pas sur la voie publique et réservent la rigolade pour les grandes occasions. Je le sais, j'ai la télé. Chez nous, les gens crachent tout le temps et ils rigolent pour un oui, pour un non. C'est le bordel, comme dit mon cousin Mustapha, qui croit maîtriser la langue de Voltaire parce qu'il a passé 20 ans dans un foyer de travailleurs émigrés en région parisienne avant de se faire expulser pour défaut de papier d'identité et insulte aux forces de l'ordre. Mustapha, c'est un vrai cabochard. Rasoujhar, sa tête, c'est de la pierre. Chaque fois qu'il nous raconte son histoire, on devient fou. On se tire les cheveux de désespoir, on se frappe les joues, on serre les poings des deux mains, qu'on agite fébrilement sous son nez en sifflant furieusement. Mais allège, pourquoi tu t'es pas coupé la langue à la France, Paris, aïe aïe aïe, la chance que tu avais. Et toi, zarma zarma, soi-disant tu la ramènes, et avec la police encore. Mahboul ou la chinoise, t'es dingue ou quoi? Mousse reste impassible. Il déguste nos colibés, savoure nos insultes et pour la centième fois nous répète ses mésaventures. Un policier lui avait demandé ses papiers. « Je lisais pas », avait répondu Mousse. Le flic n'était pas sémiologue, mais le manque d'humilité dans la réponse laconique de mon cousin ne lui avait pas échappé. « T'as pas de papier ?» avait-il insisté. Mousse ne reconnaîtra jamais qu'il parle français comme une vache bizartine, mais ça le vexe que les natifs le privent du vous de politesse. J'y dis que je lisis pas, j'y dis pas que j'en ai pas, avait-il rétorqué. Tu dois avoir tes papiers sur toi. Suis-moi, avait ordonné l'agent. J'y pis pas, s'était obstiné Mousse. J'y pis pas, avait répété le flic, qui espérait avoir mal entendu à cause de la lamentable phonétique de mon cousin. Si je t'y suis, c'est le bordel, avait confirmé Mousse. Si j'y suis pas à l'heure, le patron, tout le direct, il me débarque. Le flic s'était fâché. Sans sortir, ça matraque. Mousse, encouragé par l'absence d'agressivité de son interlocuteur, avait pensé « Moucherger, elle, c'est pas un homme ». Et il avait commencé à marchander. Il faut dire à la décharge de Mousse qu'au bled, les flics cognent d'abord, souvent longtemps, normalement au commissariat, des fois sur la plante des pieds. Puis ils discutent. Ça donne au débat un ton et un rythme très particulier. Et il faut dire à la décharge du flic français qu'il ne pouvait pas savoir tout ça. C'est pas le genre de choses qu'on apprend dans les écoles de police en France, ou dont on peut se rendre compte dans les complexes hôteliers de Hammamet. Même au pays des Lumières, il y a parfois des pannes d'électricité. Voilà, merci. Je reviens sur les nouvelles. On a parlé un petit peu des structures des nouvelles. Ça s'écrit en combien de temps une nouvelle et quelle phase de travail pour en arriver à ces nouvelles terminées? Et quand est-ce qu'on termine une nouvelle? Il y a toujours un premier jet très rapide qui est l'ossature du texte, et ça peut prendre une heure, deux heures, hein, c'est-à-dire que voilà, là, tout est jeté sur le papier, et puis après il y a un travail de réécriture qui peut pour le coup être beaucoup plus long et qui s'inscrit dans une durée indéterminée, c'est-à-dire ça peut être une semaine, trois semaines, un mois, puis des fois ça marche pas, ça fonctionne pas quoi, la magie n'est pas au rendez-vous, alors on laisse de côté, je laisse de côté, je laisse décanter. Ouais. Je posais la question également pour les gens qui suivent les ateliers d'écriture, montrant que l'écriture commençait à la réécriture, en fait. Parce qu'en atelier d'écriture, on est dans cette même problématique, d'un premier jet inabouti, souvent, et ensuite tout le travail se fait à la maison. Une dernière question, sur quoi vous travaillez en ce moment? Alors, en ce moment, je travaille sur un texte jeunesse. Une commande? Non, pas du tout. Non, je vais essayer de trouver un éditeur. non, c'est pas une commande. Non, c'est un texte qui m'a été inspiré par Isabelle Autissier, qui est une femme que j'aime beaucoup, parce que c'est la première femme à avoir fait le tour du monde en solitaire, et que ça, pour le coup, c'est assez incroyable. Et j'avais envie de parler de la mer et de ma région d'origine, justement, la Normandie. Et... D'accord. Et ça sera une nouvelle, ça sera... Ah non, c'est un court texte. C'est un texte jeunesse, mais un court texte jeunesse, qui s'adresse plutôt à la jeunesse, voilà. D'accord, c'est le créneau jeune adolescent. Oui, c'est ça. D'accord. Ouais, d'accord. Et avec un illustrateur, avec... Ça, je... C'est pas une biographie de Isabelle. Non, non, pas du tout. Pas du tout, c'est de la fiction. Oui, c'est un récit. D'accord. Et pas de nouvelles en chantier. Ah si, si, j'ai toujours une petite caisse... de nouvelles par devers moi. Donc ça veut dire on peut travailler sur plusieurs nouvelles en même temps. Ça veut dire qu'on peut travailler sur un texte long et une nouvelle en même temps, pas plusieurs nouvelles en même temps. Plusieurs nouvelles en même temps, en tout cas, personnellement, j'ai... Alors c'est quoi une petite caisse de nouvelles? Non, ça veut dire que j'en ai déjà écrit quelques-unes et que, suivant une thématique donnée, et que, voilà, je monte... Et qu'est-ce qui fait qu'on rassemble les nouvelles à un certain moment? C'est une thématique qui donne envie de rassembler toutes ces nouvelles? C'est parce qu'on en a plusieurs et qu'on fait une collection sans qu'il y ait véritablement de thématique? Qu'est-ce qui fait qu'on se décide à proposer à un éditeur un recueil de nouvelles? Oui, c'est ça. Je pense que c'est quand la quantité est au rendez-vous. C'est-à-dire qu'il faut que ça puisse correspondre à la publication d'un recueil. Et en général... les thématiques dont vous parlez sont là, quoi, c'est-à-dire le rapport homme-femme, la sexualité. On trouve toujours quelque chose qui fait qu'il y a un lien, en tout cas stylistique, c'est obligatoire, d'une nouvelle à l'autre. Ouais. Ça vous a jamais tenté de travailler comme travaillent certains auteurs américains, c'est-à-dire ce sont des nouvelles avec des passerelles de l'une à l'autre, des correspondances, on retrouve certains lieux ou certains personnages, c'est vraiment des nouvelles construites avec une architecture quasiment comme un petit roman. Oui. Alors, j'ai tellement de projets, j'ai tellement d'envie, j'ai si peu de temps. Mais j'adorerais faire ça, j'adorerais. De qui on parlait l'autre jour? C'était Alice Munro, entre autres. Oui, quel auteur merveilleux, grande dame. Donc ça fait partie des projets... Ça fait partie des choses que j'adorerais faire, oui, tout à fait. Et j'ai d'ailleurs, depuis des années, dans un tiroir, cette idée... qui s'appelle Rue de la Fédération, qui est la rue où j'habite, et qui est une espèce de patchwork un peu à la Robert Altman. Il a fait ce film qui s'appelle Shortcut, d'ailleurs. Et de ce personnage qu'on croise et à qui il arrive quelque chose, et au moment, un peu comme dans Les Mille et Une Nuits, au moment où on aimerait savoir, tac, il rencontre quelqu'un qui prend le relais, et une chaîne humaine se forme comme ça, de tous ces gens qui habitent la même rue qui ne se connaissent pas. Et voilà. Je vais l'écrire un jour. D'accord. J'aimerais ça. Est-ce qu'il y a quelques questions dans le public? Quelqu'un qui souhaite poser une question? Vas-y, Frédéric. Vas-y. Moi, je m'excuse, mais je t'ai tutoyé dès le départ. Oh, il n'y a aucun problème. Parce que quand on rentre dans tes bouquins, je trouve qu'on a envie de te tutoyer. Alors, parfait. Il n'y a pas de souci pour moi. Et je me pose des questions par rapport à l'intérêt que tu portes à la politique, en fait. Parce que tu as travaillé, je crois, comme collaboratrice. Oui. Oui. Est-ce que c'est ça qui t'a un peu marqué, ou quoi? Est-ce que c'est ça qui t'a écœuré? Je ne suis pas du tout écœuré par la politique. À la première nouvelle dont on n'a pas parlé du tout. Oui. Mais où il y a ce jeune Lambec là qui fait la politique, qui s'appelle campagne électorale. Oui. Ouais. Qui se trouve confronté à un pays militant. Et je pense que je me demandais justement si ça avait influé le fait que tu aies travaillé dans ce milieu-là. Je connais bien le milieu politique, c'est vrai. J'ai été collaboratrice d'un député maire pendant quelques temps, et puis je travaille à l'Assemblée nationale. En ce moment, je suis journaliste politique, donc je fréquente beaucoup les députés, sénateurs, députés européens, etc. Je veux pas caricaturer. Je pense qu'il y a des hommes et des femmes politiques très pénibles, très détestables. Parce qu'ils ont un pouvoir qui leur fait croire qu'ils sont plus importants que nous autres. Je suis convaincue qu'ils se trompent, et donc à ce titre-là, ils prennent des espèces d'attitudes hautaines et des décisions insupportables qui nous concernent tous. Après, je pense que le fait politique, la res publica, comme on dit, la chose publique, est fondamentale. C'est ce qui fait qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire l'air qu'on respire, évidemment, relève d'un fait politique, parce que s'il est pollué ou s'il n'est pas pollué, c'est parce que des gens ont pris des décisions ou n'ont pas pris de décisions pour qu'on respire cet air qui est pollué ou pas. L'eau qu'on boit, la nourriture qu'on mange, etc., etc., etc. Donc, c'est très important pour moi de s'intéresser à la politique, et je pense que tout le monde s'intéresse à la politique. Je ne rencontre jamais quelqu'un, bon, les gens peuvent me dire comme ça, ça ne m'intéresse pas la politique, je ne voterai pas, ça j'entends, et maintenant on va discuter. Et quand on discute, les gens me parlent politique, évidemment. Quand ils me disent, j'ai eu ma feuille d'impôt, j'aimerais bien inscrire mon gosse, mais tu comprends, c'est trop cher, évidemment, ils sont en train de me faire un discours politique. Qu'ils le veuillent ou non. Donc, comme c'est constitutif de nos existences, c'est ce qui est à l'extérieur de nous et qui a tant d'importance dans nos vies, je ne peux pas l'occulter. Et en même temps, je suis fascinée par ce qui est à l'intérieur de nous et qui fait de nous des êtres de lumière ou d'ombre et qui est la psychologie. Et je crois que les hommes et les femmes politiques, quand ils arrivent à un certain niveau, finissent par... voilà, c'est l'histoire de la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Ils se prennent tous pour des bœufs, qu'ils sont d'ailleurs un peu. Voilà, ils font meumeux. Et j'ai chaque fois envie de leur dire, comme le disait Montaigne, hein, la phrase n'est pas de moi, mais aussi haut que fut placé votre trône, vous n'êtes jamais assis que sur votre cul. C'est tout. Donc à partir de là, s'ils sont là où ils sont, c'est parce qu'on a voulu les... on les a mis. La démocratie fait qu'ils sont... ils devraient être nos représentants. Nous les avons élus pour qu'ils nous représentent. Ils devraient donc être dans l'humilité et pas la grandiloquence. Et donc, le fait politique m'habite, oui, je m'intéresse beaucoup, beaucoup à la politique. Hein. Je pense que c'est un sujet passionnant, passionnant, qui détermine nos existences, hein, vraiment. On peut pas ne pas... en faire. Et ne pas voter, c'est forcément un acte politique. Enfin, moi, j'entends hein, les gens qui veulent pas voter. Tout ça, c'est pour moi, quand ils disent ça, forcément, ils s'inscrivent dans un acte politique. C'est intéressant d'en discuter, quoi. Dans cette première nouvelle, d'amener sur le terrain, effectivement, la part érotique de ce politicien, c'est également le faire descendre de son piédestal. Alors, en même temps, cette nouvelle, quand même, campagne électorale, moi j'avais été très choquée parce que, alors là encore, c'est une histoire vraie, mais pour le coup, j'avais lu dans le journal, hein, c'est pas quelque chose que j'ai vécu en vrai, à l'occasion de, je crois que c'était des cantonales, hein, on disait comme ça à l'époque, pas des départementales, des cantonales, il y a ce jeune homme qui est élu, conseiller général, et dans sa circonscription, dans son canton, on découvre a posteriori qu'il est homosexuel. Et il y a une espèce de cabale qui est montée contre lui. On lui met une pression telle qu'il démissionne. Et il y a trois lignes, un entrefilé dont je ne sais quel canard je tombe dessus. Oh ben je me dis, celle-là, c'est la meilleure. Alors là pour le coup, on était en plein dans le sujet, quoi. Et donc je l'ai imaginé tractant sur le marché. Moi, je me suis dit, voilà, ce jeune homme qui peut-être un peu efféminé, un peu, il distribue des tracts et il y croit, il a des convictions. Et là encore, ce n'est pas les convictions qui l'emportent, mais l'apparence de cet être et surtout la violation de son intimité. La violation de son intimité, c'est-à-dire devoir renoncer à faire pour le bien commun parce qu'il a fait un choix individuel qui relève de la plus stricte intimité. Alors moi, les bras m'en tombent. Alors là, les bras m'en tombent. Ça me révolte vraiment. Ça, c'est des sujets qui me mettent en colère. Oui. Pourtant, tel que c'est présenté dans la nouvelle, ça se retourne plus contre lui quand même, puisqu'il est en pleine campagne, il est en train de distribuer ses tracts sur les marchés, quand survient son amant. Et c'est l'amant qui le discrédite. Bien sûr, mais il fallait bien que je montre à un moment ou à un autre qu'il était homosexuel. Le seul moyen pour moi de montrer qu'il était homosexuel, alors qu'il est en grande discussion avec un ancien résistant, qui lui est un gars extrêmement viril, extrêmement... Et ils sont partis dans une conversation très politique. On a une encablure des élections, donc il y a des enjeux. Et voilà que le compagnon de ce jeune homme qui tracte arrive, et là, c'est vraiment la grande folle dans toute sa splendeur. Et donc tout d'un coup, évidemment, les gens qui sont autour de lui, médusés, comprennent. Et bon, voilà, il est dévoilé dans son intimité. Et discrédité. Et discrédité. D'accord. Et discrédité. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public, Kamel, non ? Allez-y. Moi, j'ai des petites choses oui. très La première nouvelle, là, j'ai été troublé au niveau... je ne savais plus à quelle époque ça se passait, parce que l'aérosol, ça existait à ce moment-là. Alors ça, c'est possible que ce soit un anachronisme. Et les boîtes de trans aussi, ça existait, je ne sais pas. Michou existait, oui. Michou existait, ça c'est certain. Je pense qu'il existait des aérosols contre l'asthme. C'était des poires. C'était des poires. Oui, avec un flacon et une poire. Alors c'était un anachronisme, oui. Autant pour moi. Non, mais du coup, je ne savais plus à quelle époque c'était. Ah oui, ouais. Voilà. Je dis, mais d'où le cancer? Ah, voilà. Ah, oui. D'accord. Ah oui, parce que aérosol, c'est assez connoté. Quoi. D'accord. Ah, bah alors vraiment, autant pour moi. Vous avez mis le doigt. Il y a toujours des pointilleux. Ah, mais non, mais c'est important. Non, non, non. Et puis, sur une autre nouvelle que vous n'avez pas lue, mais sur le camp là où on vient se défouler, tout ça, ça a existé, ça. Ah bon? Ah oui. Et ça existe. Il y avait des types qui, quand il y avait des grands hôtels qui étaient voués à la déconstruction, qui faisaient des séminaires de défoulement où on payait pour casser tout. Ah oui, d'accord. Ça existait. D'accord. Et Bansky, le tagueur, là, il a fait un... Je crois que c'est à Manchester ou à Liverpool, en Angleterre. Un pauvre Walt Disney. D'accord. Donc... C'est quand D'accord. même des idées qui sont là. Quoi. Qui circulent, oui. Ça, pour le coup, alors je ne le savais pas, c'est vraiment... l'idée est vraiment née dans ce bistrot avec le copain qu'ils ont, on devrait les mettre dans un zoo. Et moi, je me suis dit, bah, pourquoi pas dans... Un parc d'attraction. Non, il n'y avait pas de tournant, mais le fait de pouvoir se savoir dans un zoo et se défouler et de faire tout ce qu'on a envie, de casser tout, ça existait ou tu payais. Je ne savais pas. Et Bansky, il a fait un faux. Là, bon, c'est autre chose. Quoi. Sur le Disney, plan, pauvre. Quoi. D'accord. Dérisoire, gris, pas drôle, sinistre et tout ça. Quoi. Dans une banlieue et tout ça. Quoi. Ah oui, d'accord. Non, tu voulais Disney. Kamel, tu voulais dire quelque chose? Oui, alors moi, les Rolling Stones disaient qu'ils créaient 30 chansons pour en publier 12. Ouais. Est-ce que c'est un peu votre cas? Non. Oh là là. Non, à contrario, c'est-à-dire, je suis très opiniâtre. Et je suis assez contente de ça parce que j'ai manqué beaucoup de confiance en moi au début quand j'écrivais et tout ça. Je sais quelle outrecuidance, pour qui tu te prends. Maupassant, etc. Et puis la vie a été généreuse avec moi puisque j'ai pu être publiée et ça c'est un grand bonheur pour un écrivain. Et je me suis rendu compte que, bon, je ne produis pas beaucoup, mais je produis. Je vais toujours au bout de mon propos, quitte à retravailler le texte. Et les années passent et mes recueils sont publiés. C'est juste une question de temps. Donc maintenant que je le sais, je ne m'affole plus, je ne me mets pas en panique, j'écris à mon rythme, et puis voilà, quand le moment est venu d'envoyer, j'envoie, et puis je sais que ça va prendre un an, 2 ans, 3 ans, c'est sûr que je n'aurai jamais le Nobel de littérature à ce rythme-là, mais voilà. Mais par contre, j'ai un peu, comment dire, cette prétention peut-être, quand j'ai une idée, je suis sûre qu'elle est bonne. Je suis sûre qu'elle est bonne. Donc, je n'écris pas 15 textes pour en prendre un. C'est pas j'écris, puis tout d'un coup, je me dis, ah tiens, celui-là, il est bon. Non. J'écris parce que je sais que c'est bon. Après, je peux... Bon, il y a des maladresses, des faiblesses, des longueurs, des choses comme ça, quoi. Il faut vraiment revenir, enfin, remettre voilà, sur le métier, l'ouvrage, des fois. Mais je le sais. Vous savez pourquoi? C'est quand, par exemple, j'écris un texte où je veux mettre de l'humour et je me marre. Si je me marre, c'est que c'est drôle. Parce que sinon, je ne me marrerais pas, quoi. Donc, si je ne me marre pas, c'est que c'est mauvais. C'est que j'ai raté mon coup. J'en suis sûre. Voilà. Une espèce de relation de confiance entre moi-même et moi-même. C'est assez régalant, en fait. Oui, c'est assez drôle de vous voir écrire. Hein. Oui, c'est ça. Je te taper sur les cuisses. Oui. Parce que je suis drôle. D'accord. C'est ça. Oui, j'imagine. Oui, c'est assez drôle. Je m'excuse, mais oui. Tu dis, quand j'ai une idée, j'essaie d'aller jusqu'au bout. Mais en fait, d'après ce que tu disais tout à l'heure, les idées deviennent de choses que tu as vécues. Il y a des choses qui t'ont interpellé dans la vie. Enfin, tu rencontres des Oui. Et tu vas jusqu'au bout. Oui. Quand il y a quelque chose qui te passe par la tête, une idée ou autre chose. Voilà. C'est, je veux dire, tu... Alors, j'ai un petit carnet. Je note... Et tant que ce n'est pas fini, je crois que tu continues. Oui. Des fois, je n'ai pas le temps parce que je suis dans des activités annexes, tout ça. Je sais que je ne vais pas pouvoir écrire tout de suite, mais j'ai toujours mon petit carnet. Voilà, j'ai noté l'idée et je sais qu'à un moment donné, je vais revenir dessus. Je ne vais pas lâcher le truc. Je suis un pitbull, quoi. Je suis un piranha. Je ne lâche pas. Jamais, jamais, jamais. Quand... Donc, les prénoms des gens avec qui il faut régler un compte, essayez de ne pas être dans son carnet ce soir. Ça peut être dans 2 ans ou 3 ans, elle n'est pas pressée. Hein. Lui, c'est Dominique, lui, sur la remarque sur l'aérosol. Ah, vous l'avez reconnu ? Tiens donc, c'est étrange. Pourtant, je pensais l'avoir tellement bien maquillé. Je me disais, on ne la reconnaîtra jamais. Voilà, il y a d'autres questions dans le public ? J'ai une question. Oui. Est-ce que vous n'êtes pas tenté, un jour, vous serez tenté par un roman sur la durée ? Si j'avais du temps, oui. Ah, c'est une question de temps. Oui, c'est vraiment une question de temps. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est... Je suis convaincue que pour écrire un roman, il faut énormément de temps. Enfin, moi, j'ai une admiration phénoménale pour les auteurs du 19e, hein, les Zola, les Balzac, les Eugène Sue, tous ces gens qui étaient capables d'écrire des sagas, pas des romans, mais des sagas, quoi, les Rougon-Macquart. Et puis alors, avec une connexion, c'est des chronologies familiales comme ça, on ne perd jamais le fil. Et c'est des ordinateurs, ils avaient dans la tête. Hein. C'était extraordinaire. En plus, c'était écrit à la main, il n'y avait pas de correction. C'est quelque chose qui me fascine. Mais tous ces hommes avaient en commun du temps. Ça, c'est une certitude. C'est-à-dire, quand ils commençaient à 8h le matin, ils finissaient à 20h. Hein. C'était tous les jours, samedi, dimanche inclus. C'était des bêtes de travail. Mais... c'était pas à 8h, il faut que j'aille bosser, je prends le métro, j'emmène ma fiche de dentiste, parce que alors ça, c'est mortel pour vous casser une idée et interrompre un fil. Et alors, quand on est sur une nouvelle, ça va. Hein. Mais alors, sur un roman, après, vous brisez. C'est difficile de trouver le rythme dans un roman, le bon rythme. Donc, je vais écrire des romans à la retraite. Oui, Claude, exactement. Tu voulais poser des questions aussi. On a l'impression d'être dans le personnage. Ah, merci. Soit une femme ou un homme, d'ailleurs. C'est-à-dire que... Ah, c'est comme ça. On pense comme ça. Alors, pourtant, je n'ai pas forcément à voir avec ces femmes, enfin, plutôt avec ces hommes. Oui. Mais, on s'y croit. On est dans le cheminement, dans ce qui est dit, dans ce qui est les petites touches qui font apparaître la personne, son caractère. On s'y croit bien. Donc, effectivement, les chutes... peuvent être déconcertantes, mais c'est pas en entier, c'est-à-dire qu'il y a du blanc, du rose, du gris dans ce qu'ils disent et dans ce qu'ils ressentent, et c'est ce que c'est la vraie vie. Voilà, c'est ça, merci, parce que c'est exactement ce que j'essaye de traduire, des complexités psychologiques, ça m'intéresse beaucoup, la complexité des personnes. Je rajoute, ce qu'on retrouve aussi, c'est après dans l'ambiguïté, un peu le côté grinçant par rapport au côté social. Enfin, oui. Voilà. Les rapports sociaux. Chez moi, ce monde-là, virtuel, qui n'est pas virtuel, de part d'attraction, mais qui joue quand même sur les codes sociaux et sur ces mondes évidemment. Qui sont différents. Qui sont... Bien sûr. C'est la dénonciation de la ghettoisation. C'est ça que mon propos. C'est de dénoncer les ghettos, tout simplement. Je ris, je mets des choses absurdes et caricaturales, mais c'est volontairement, parce que le propos est politique, pour le coup. C'est-à-dire, comment se fait-il que ces monstruosités existent, je veux dire, urbaines, et qui génèrent tout ce qu'on sait. Quoi. Donc, Et puis, en fait, le gagnant, il n'est pas toujours vraiment gagnant. Non. Et ça, j'adore. C'est-à-dire, j'ai vécu en Tunisie longtemps. Alors, on pourrait en parler à l'envi, hein, parce que c'est un sujet qui me passionne, mais vous voyez, la condition des femmes dans le monde arabe, par exemple. Bon, voilà, les pauvres femmes, bon. Les pauvres femmes, moi j'ai vécu avec des femmes tunisiennes au jour le jour, je ne les trouvais pas pauvres du tout. Hein. Je les trouvais dans la structure sociale et culturelle de la Tunisie, elles savaient tout à fait être elles-mêmes et jouir de leurs avantages et même de leurs non-avantages. C'est juste des postures à adopter, et les hommes aussi d'ailleurs. C'est-à-dire, c'est pas ces super mecs qui ont tous les droits. C'est plus compliqué que ça. Beaucoup plus compliqué que ça. C'est plus subtil. Et si ça marche, d'ailleurs, c'est que forcément, les uns et les autres trouvent un équilibre là-dedans. Donc on arrive de l'extérieur et on est donneur de leçons à dire « Ah, les filles, elles font ci, les garçons, ils sont comme ça, etc. etc. » Mais c'est pas comme ça du tout, du tout, du tout, quoi. Ce premier texte que j'avais écrit s'appelle « Fou rire ». Et c'est l'histoire de cette jeune fille qui se fait recoudre un hymen. La nouvelle se passe dans l'avion, elle part avec son nouveau mari, hein, tout frais, voilà, son nouveau mari. Ils vont aux États-Unis d'Amérique, il est riche, il est venu des États-Unis d'Amérique pour l'épouser parce qu'elle était vierge, enfin, tout le truc complètement absurde, et on découvre ça au fur et à mesure de la nouvelle. Et puis, à la fin de la nouvelle, elle lui dit, mais... Et donc, on découvre évidemment dans la nouvelle qu'elle n'était pas vierge du tout, elle s'est beaucoup amusée, elle a eu une vie sexuelle... Alors là, pour le coup, l'érotisme est au rendez-vous, mais elle a 25 ans, et c'est comme ça, quand on a 25 ans et qu'on est une fille, elle commence à être un peu vieille, la famille lui met la pression, il faut qu'elle se marie. Et d'ailleurs, si elle divorce, ensuite elle retrouvera une liberté de mouvement, etc. Donc elle passe par cette case du mariage. Et pour passer par la case mariage, comme ce type arrive des États-Unis avec l'exigence qu'elle soit vierge, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va à l'hôpital, elle se fait faire un hymen artificiel. Et elle lui dit dans l'avion, « Chérie, si j'avais pas été vierge, hein, mais tu aurais fait quoi ?» Et il a cette réponse, qui pour le coup est une réponse vraie que j'ai entendue en Tunisie, de la part d'un homme, hein, enfin d'un couple, quoi. Eh bien, l'homme lui répond, « Moi, les femmes, c'est comme les voitures, jamais de deuxième main. » Et c'est la fin de la nouvelle. Et il part aux États-Unis avec cette femme-là. Et je ne sais pas lequel des deux va avoir du fil à retordre. Toujours avoir des occasions. Pardon ? Allez, ça sera le mot de la fin, je crois. Je crois que nos bibliothécaires adorés nous ont préparé un petit verre. Alors, Joël a quelques livres à signer. Si vous voulez, il n'y en a pas beaucoup, non. Mais il y en a quelques-uns. Et puis, on peut continuer à discuter tout en prenant un verre de cidre ou de jus d'orange. Voilà. Le cinéma, ça nous a inspiré. Le cinéma ? Ouais. Par exemple, le cinéma italien des années 60, avec justement des nouvelles. Ah oui, à la Dino Risi, c'est ça, des choses comme ça. Ouais, bah, j'aimais, enfin non, ça ne m'a pas inspiré, mais j'adore. Ouais, j'adore le cinéma italien des années 70, ouais. Je trouve que c'est génial. Parce qu'on a l'impression qu'il y a des choses comme ça aussi. Ah, c'est possible que, en tout cas, dans l'humour grinçant, c'est vrai que j'aime beaucoup les cinéastes italiens. Où il y a la chute, et d'un coup, il est éploré et tout ça, puis on voit que le fil est coupé parce qu'il attend les nouvelles du ravisseur. Mmh. Et le téléphone, il pleure et tout ça, on voit, puis c'est coupé, quoi. Mmh. C'est ça. Donc il y a un peu de ça. Exactement. Bon, bah, je pense qu'on peut remercier Joël. Merci, Joël. De rien. Ça va, Emmanuel, on est à peu près dans les temps. Tu ne fatigues pas trop, ça. Très bien. Ah, mais il y a les monstres et les monstres. C'est ça, les deux. Oui, oui, j'avais vu les deux. Ah oui, c'est pas un chouette, ça va, oui. Plutôt deux fois qu'une.